désir de Gandhi, le squelette assume son désir de Gandhi. Je les wing, tu es celle de pas Bobby et celle de loin JR, leur petit préféré. Tu es celle des mauvais comme la rage. Apprends les grimaces aux vieux singes, te tabasse et repars à la nage, sous son vergogne ton plus beau linge. Celle c'est une trique avec du poil autour, un machin contendant inventé pour blesser, de ta main de racette à toi la loupe pour tu es ses frites à grand coup de boule dans le nez. SM s'autosuffit avec véhémence, à base de basse qui jamais ne lasse. Le seul groupe qui tabasse par avance, qui ne laisse pas le temps de tirer la chasse. Tu es seul, c'est de la musique avec des gold box, des accords puissants, terriblement méchants. C'est de la cuisine efficace, tout comme le viandox. Un fromage corse, chaud et coulant.